Casimir de la Vigne, Trois jours de Christophe Colomb. Livre audio gratuit lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. En quarantaine. En Europe. Espérez. Plus d'espoir. 3 jours, leur dit Colomb, et je vous donne un monde. Et son doigt le montrait, et son œil, pour le voir, perçait de l'horizon l'immensité profonde. Il marche, et des 3 jours, le premier jour à lui. Il marche, et l'horizon recule devant lui. Il marche, et le jour baisse. Avec l'azur de l'onde, l'azur d'un ciel sans bornes à ses yeux se confond. Il marche encore, et toujours. Et la sonde plonge et replonge en vain dans une mer sans fond. Le pilote, en silence, appuyé tristement sur la barre qui crie au milieu des ténèbres, écoute du roulis le sourd mugissement et des mâts fatigués les craquements funèbres. Les astres de l'Europe ont disparu des cieux, l'ardente croix du sud épouvante ses yeux. Enfin, l'aube attendue et trop lente à paraître blanchit le pavillon de sa douce clarté. « Colomb, voici le jour, et le jour vient de renaître. »« Le jour, et que vois-tu ? Je vois l'immensité. »« Qu'importe, il est tranquille. »« Ah, l'avez-vous pensé ? Une main sur son cœur, si sa gloire vous tente, comptez le battement de ce cœur oppressé, qui s'élève et retombe, et languit dans l'attente. Ce cœur, qui, tour à tour, brûlant et sans chaleur, se gonfle de plaisir, se brise de douleur. » Vous comprendrez alors que durant ces journées, il vivait, pour souffrir, des siècles par moments. Vous direz, ces 3 jours dévorent des années, et sa gloire est trop chère au prix de ses tourments. Oh, qui peindra jamais cet ennui dévorant, ces extases d'espoir, ces fureurs solitaires, d'un grand homme ignoré qui lui seul se comprend. Fou sublime, insulté par des sages vulgaires. Tu le fus, Galilée. Ah, meurs. Infortuné, à quel horrible effort n'es-tu pas condamné? Grand, pâle, et d'une voix que la douleur altère, tu dément tes travaux, ta raison et tes sens. Le soleil qui t'écoute et la terre que tu sens se mouvoir sous tes pieds frémissants. Le second jour a fui. Que fait Colomb? Il dort. La fatigue l'accable, et dans l'ombre on conspire. Périra-t-il? Aux voix. La mort, la mort, la mort. Qu'il triomphe demain, ou, par jure, il expire. Les ingrats. Quoi, demain il aura pour tombeau les mers où son audace ouvre un chemin nouveau? Et peut-être demain leurs flots impitoyables, le poussant vers ces bords que cherchait son regard, les lui feront toucher en roulant sur les sables. L'aventurier Colomb, grand homme, un jour plus tard, il rêve. Comme un voile étendu sur les mers, l'horizon qui les borne à ses yeux se déchire, et ce monde nouveau qui manque à l'univers, de ses regards ardents, il l'embrasse, il l'admire. Qu'il est beau, qu'il est frais, ce monde vierge encore. L'or brille sur ses fruits, ses eaux roulent de l'or. Déjà, plein d'une ivresse inconnue et profonde, tu t'écriais, Colomb, « Cette terre est mon bien !» Mais une voix s'élève, elle a nommé ce monde, ô douleur, et d'un nom qui n'était pas le tien. Regarde, les vois-tu, la foudre dans les mains? Vois-tu ces Espagnols altérés de carnage, effacés en courant du nombre des humains, le peuple désarmé qui couvre ce rivage? Vois les palais en feu, les temples s'écroulant, le cacique étendu sur ce baiser brûlant. Vois le saint crucifix, dont un prêtre inflexible menace les vaincus au sortir du combat, s'élever dans ses mains plus sanglants, plus terrible que le glaive espagnol dans les mains du soldat. La terre s'est émue, elle s'ouvre, descend. Des peuples engloutis dans ces gouffres respirent, captifs privés du jour, dont les bras languissants tombent lassés sur l'or des rochers qu'ils déchirent. Cadavres animés, poussant des cris confus vers ce divin soleil qu'ils ne reverront plus, s'agitant, se heurtant dans ces vapeurs impures pour fuir le travail, le fouet qui les poursuit. Et qu'une longue mort traîne dans les tortures de cette nuit d'horreur à l'éternelle nuit. Cet or, fruit douloureux de leur captivité, par le crime obtenu pour enfanter le crime, va servir d'un tyran la sombre cruauté et peser sur le joug des sujets qui l'oppriment. Pour corrompre un ministre, enrichir un flatteur, payer l'injuste arrêt d'un noir inquisiteur par cent chemins honteux du trésor d'un seul homme. Il s'échappe et, passant de bourreau en bourreau, va s'engloutir enfin dans le trésor de Rome qui leur vend ses pardons au bord de leur tombeau. De l'or, tout pour de l'or. Les peuples débordés, dont ce monde éveilla l'avarice endormie, répandent dans ces champs de leur foule inondée l'écume des humains que l'Europe a vomis. Toi seul l'as dévasté, ce continent désert que tu semblais créer quand tu l'as découvert. Et des monceaux de cendres entassés sur la rive, des gouffres souterrains où l'on meurt lentement, des ossements blanchis, sort une voix plaintive qui pousse vers toi seul un long gémissement. Par son rêve oppressé, Colomb, les bras tendus, de sa couche brûlante écartait cette image. Elle décroît, s'efface, et ses traits confondus se dissipent dans l'air comme un léger nuage. Tout change. Il voit au nord un empire naissant sortir de ses débris fécondés par le sang. Ses enfants opprimés s'arment aux cris de guerre du soc dont le tranchant sillonna leur guéret et du fer, créateur, qui, dans leurs mains naguère, transformait en cité de sauvages forêts. Ils ont crié victoire. Ils montrent Washington, et Colomb reconnaît le héros véritable. Ô vieux Cincinnatus, inflexible Caton, votre antique vertu n'est donc pas une fable? Elle a fait concevoir à nos cœurs corrompus cette étrange grandeur qu'ils ne comprenaient plus. Un sage auprès de lui dans le conseil prend place, et, non moins révéré sous des traits différents, il gouverne, il découvre, et par sa double audace ravit la foudre aux cieux et le sceptre aux tyrans. Mais pourquoi ce concours, ces transports, ces clameurs? Quel monarque ou quel dieu sur ce bord va descendre? Un guerrier citoyen foule, en versant des pleurs, le sol républicain que jeune il vint défendre. De respect et d'amour il marche environné, aux genoux d'un seul homme un peuple est prosterné. Mais l'hôte bien-aimé, debout sur ce rivage, pour la liberté sainte a toujours combattu, et le peuple incliné, dont il reçoit l'hommage, ne s'est jamais courbé que devant la vertu. Ô combien cet empire a pris un noble essor depuis les jours sanglants de sa virile enfance! Quel avenir l'attend et se révèle encore dans la maturité de son adolescence! Ne cherchant de laurier que ce qu'il doit cueillir, incorruptible et juste, il grandit sans vieillir, se joue avec les mers qu'il couvre de ses voiles, et montre en souriant au léopard banni son pavillon d'azur, où 2 fois 12 étoiles sont l'emblème flottant de ses peuples unis. L'héroïque leçon qu'il offre aux opprimés sous les feux du midi produit l'indépendance. D'autres républicains, contre l'Espagne armée, en nommant Bolivar, chantent leur délivrance. Tel un jeune palmier, pour féconder ses sœurs, fleurit et livre au vent ses parfums voyageurs. Tel ce naissant empire, et l'exemple qu'il donne répand autour de lui comme un parfum sacré, qui, vers les bords voisins, s'exhale et les couronne des immortelles fleurs dont lui-même est paré. Ô liberté, dit-il, sors de ce doux sommeil. Quelle ombre de mes lois tu goûtes sur ces rives, et que pour s'affranchir l'Europe à ton réveil secoue en m'appelant ses mains longtemps captives. D'un regard de tes yeux réchauffe ses cœurs froids, engourdis sous un joug dont ils aiment le poids. De tout pouvoir injuste, éternel ennemi, va donc, fille du ciel, va par-delà les mers. Va, toi qu'ils croyaient morte et qui n'est qu'endormie, briser les fers rouillés de leur vieil univers. Colomb se ranimait à cette noble voix. Terre, s'écria-t-on, terre, terre! Il s'éveille, il court. Oui, la voilà, c'est elle, tu la vois? La terre. Ô doux spectacle, ô transport, ô merveille, ô généreux sanglot qu'il ne peut retenir. Que dira Ferdinand, l'Europe, l'avenir? Il la donne à son roi, cette terre féconde. Son roi va le payer des maux qu'il a souffert. Des trésors, des honneurs en échange d'un monde, un trône, ah, c'était peu. Que reçut-il? Des fers.